Put your hands together one time. Bonjour à tous chers amis et bienvenue entre pods. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque nous allons reprendre la conversation consacrée à la Bretagne que nous avions commencé il y a 15 jours en compagnie de Anne. Alors au programme aujourd'hui, nous allons parler du tourisme dans cette magnifique région, également de sa gastronomie et de certaines traditions bretonnes. Alors nous allons rejoindre Anne, qui nous parle d'abord du village d'où elle est originaire en Bretagne, qui s'appelle Paimpol. Donc c'est un petit village situé dans le département des Côtes d'Armor, qui se trouve au nord de la Bretagne. Bon, j'ai assez parlé, donc on la retrouve tout de suite. Donc du côté de chez toi, donc quand c'est l'été, tourisme. Ouais. Paimpol. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait? C'est quoi? À Paimpol, c'est assez riche d'histoire. Nous avons comment il s'appelle ce guitariste français très connu, ancien. Georges Brassens, voilà. Georges Brassens a vécu longtemps à Paimpol et c'est sa ville adorée. Tu as des ports de plaisance, tu as des îles, t'as que l'île de Bria. Ouais. Tu as ce côté charmant. C'est une petite ville très très charmante. Donc c'est des belles petites maisons, pas d'immeubles. Il n'y a pas d'immeubles, enfin il y en a un petit peu, mais quasiment rien. Ça gardait beaucoup tout son charme. Ouais. C'est toujours agréable de se promener au port, enfin près des marais, parce qu'il y a beaucoup de marais en Côte d'Armor. Okay. Et les Bretons sont très friands des marais. T'as des grandes marées qui arrivent jusque devant les vitrines, restaurants, ah ouais. Une fois, deux fois par an, ouais. Et donc t'as déjà dit ici plusieurs fois qu'il y a port de plaisance, donc c'est un port, il y a les bateaux, la pêche, les Bretons sont des marins, non? Les Bretons sont des marins. Ils adorent la mer. Ils adorent la mer, ils partent très loin pendant plusieurs jours, quelques fois plusieurs semaines, d'autres fois plusieurs mois. Ouais. Pour la pêche. C'est une coutume aussi, nous sommes très voyageurs. Les Bretons sont très voyageurs. Je crois, ouais. Ouais, tu les retrouves même en Maroc, dans certains pays du Maghreb. Ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis. Canada, Shanghai, les Français sont en majorité bretons. C'est vrai, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc ce sont des grands voyageurs, ouais. Ouais, ils sont été influencés par la mer qui était là. Voilà, ouais. Et l'amour de s'aventurer. L'amour de l'aventure, ouais. Ouais, de s'y perdre. De jamais revenir. De plus revenir. Avec toujours le cœur là-bas. Ouais. Le cœur reste toujours en Bretagne. Je crois, oui. Ouais. Parce que vraiment, ils sont souvent attachés un peu à la région, quoi. J'emploierais pas le terme nationalisme, mais on irait plus de ce côté-là, ouais. Parce que je sais qu'à Paris aussi, il y a une forte communauté bretonne. Ouais, mais bon, à Paris, t'as une forte communauté, de tout. Différente, ouais. Ouais, très peu de Parisiens. Bon. On était à Paris pour travailler, tout simplement. Sinon, dès qu'on peut, on retourne en Bretagne. Hein. On se sent bien, c'est apaisant. C'est des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont... Ouais, c'est un peu cette réputation qu'ils ont. Des gens simples, honnêtes, simples dans le bon côté du terme. Ouais. Chaleureux si tu vas dans leur sens. Sinon, tu restes pas en Bretagne. D'accord, faut pas envahir la Bretagne. Faut pas envahir la Bretagne. Non. Faut être un amoureux de la Bretagne. T'as deux possibilités. T'es breton ou t'es un amoureux de la Bretagne. Ouais. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est grâce à ça aussi que la région a conservé un peu ce charme. Mm-mm. Un peu comme la Corse, ou bien contrairement à la Méditerranée, ça n'a pas été envahi. Envahi, tout à fait, qui a gâché tous les paysages. Ça, ils n'accepteraient pas en Bretagne. Non. Non, mais tu le ressens. Tu le ressens. Mais ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a une très très bonne réputation. Et donc, tu disais, il y a la pêche. De par la pêche, il y a énormément de fruits de mer. Mm-hmm. Les poissons, le homard. Parce que si on parle un peu bouffe maintenant, quelles sont les autres spécialités? Oh là là, tu en as plein. Hein. T'en as plein qui sont malheureusement pas connus. Donc, t'as les célèbres crêpes et galettes. Ah, les crêpes bretonnes. Franchement, messieurs, dames, c'est vraiment connu partout en France. Ouais, puis je me permets de mettre un petit détail. On parle souvent des crêpes, mais en fait, les crêpes, c'est juste pour le sucre. Donc, sucré. Ouais. Et si tu manges une galette, ça serait plus pour le salé. Voilà, donc si tu manges une galette avec du fromage, du jambon, là on appelle ça une galette, c'est une farine qui est différente, d'accord. Une farine noire. Et les crêpes, les célèbres crêpes sucrées dont tout le monde raffole effectivement, sont faites avec une farine blanche. Mais les deux sont bretons ? Ah bah oui. Tout à fait. Mais t'as également le phare breton qui est assez connu. Le phare breton, j'ai entendu parler, mais je connais pas. Non, c'est quoi? Ah, le phare breton, c'est... C'est salé, sucré? C'est sucré, qui est un gâteau un peu comme un flan, avec des pruneaux à l'intérieur. Waouh. Voilà. Et j'ai entendu parler du Quigaman. Ouais. Ça aussi, c'est un gâteau breton, non? Alors, c'est un gâteau breton qui a une superbe histoire. Donc, il y a deux versions historiques. Paraîtrait-il que ce serait un boulanger qui aurait raté sa pâte à pain. Ouais. Et pour ne pas jeter la pâte, à pas pain, la gâcher, la pâte à pain, ouais. Pour ne pas la gâcher, on a rajouté du sucre. Ouais. Et aurait donné ce gâteau qui est un petit peu lourd, mais qui est délicieux. Ah ouais, c'est bon. C'est très, ça, très j'ai bon. J'ai goûté, c'est bon. Ouais. Et donc, sucre et beurre. Et la deuxième version, c'était à une époque où la farine se faisait rare. Eh bien, il rajoutait du beurre et du sucre, et ça donnait ce gâteau. Voilà, donc c'est une histoire assez riche. Mais excellente. Mais il est délicieux, vraiment, je le conseille. Ouais. Ouais, ouais. Mais alors, en Bretagne, on mange que des, desserts, quoi. Des fruits de mer et des desserts. Non. Enfin, oui. Non, on mange de tout, mais effectivement, les grandes spécialités sont plus les fruits de mer et puis bon, les galettes, mais on est assez friand de poisson et de fruits de mer, effectivement. Okay. On peut en manger tous les jours, c'est pas gênant. J'imagine, ouais. Oh, ouais. Si c'est bon, bah, toi, t'es retourné en Bretagne il y a pas longtemps. Il y a un mois, ouais. Ouais. Ouais, et donc, j'ai fait plein de fruits de mer et de poisson. Tu t'es fait plaisir. Oh, ouais. Je me suis fait plaisir, ouais. Bon, je suis pas arrivée dans la bonne saison du homard, par exemple, mais j'ai réussi à en trouver un. Enfin, un pêcheur a été en chercher un, délicieux. Ah ouais. Des araignées de mer qui sont magnifiques également, délicieuses, à chair très tendre. Ouais. Que tu manges avec une mayonnaise. Waouh. Donc, ouais, j'ai fait le plein de bouffe. Ouais. Je vois que t'as un grand sourire. Mais alors, pour accompagner tout ça, qu'est-ce qu'on boit là-bas? Alors, t'as de l'eau de vie. Ah, ça doit pas être triste si tout le repas se fait à l'eau de vie. Non, t'as l'eau de vie et t'as le chouchen. Le chouchen, c'est une boisson locale à base de pommes. Du cidre. Alors t'as le cidre, effectivement, et le chouchen. Ce sont deux boissons différentes. Le chouchen n'est pas gazeux. D'accord. Et le cidre est gazeux. Ok, toutes les deux à base de pommes. Ouais. Ok, d'accord. Et je croyais, moi, qu'il n'y avait pas de vin du tout en Bretagne, mm-hmm. mais en préparant l'émission ici, j'ai lu qu'il y avait quand même le muscadet, qui est un vin qui est originaire de la région de Nantes. Ouais. Donc il y a deux questions, là. Est-ce que Nantes fait partie de la Bretagne? Alors Nantes est considérée par les Bretons faisant partie de la Bretagne, tout à ouais. fait. Mais administrativement en France, non. Donc, un peu comme le Mont-Saint-Michel, quoi. Un peu... C'est pas dedans, mais c'est dedans. C'est dedans quand même. Mais ouais, effectivement, non, ça fait partie de la Bretagne. Ok. Voilà. Donc oui, le muscadet, il a d'origine bretonne. Donc c'est un vin blanc, en fait. C'est un petit vin blanc, un peu sucré, ouais. qui s'accompagne très bien avec des desserts, tel que le phare breton. Je recommande un séjour en Bretagne. Et aussi, ouais, donc si vous avez l'occasion, il y a aussi ce fameux festival interceltique... De Lorient, tous les mois d'août. Ouais. D'août, ouais. Qui est une grande fête musicale. Alors, c'est une grande fête musicale regroupant tous les Celtes, donc d'Europe, généralement, parce que les Celtes viennent d'Europe. Mm-hmm. Donc, Pays de Galles, Bretagne, Grande-Bretagne, Écosse, Irlande. Même en Espagne, il y a une petite communauté en Espagne. Il y a une petite communauté en Espagne, ouais. Ouais, qui vient de Galice. Qui vient de Galice et qui remonte toute la France pour participer à ce festival. Et qui était un festival mettant en valeur la langue, ouais. La musique, les costumes, les fêtes traditionnelles, les danses traditionnelles et aussi la gastronomie. Ok. Donc, ouais. Et donc un costume, j'essaierai de mettre une photo d'un costume traditionnel d'une Bretonne. Sur la page de discussion, mais il y a vraiment un costume, un habit traditionnel breton aussi. Moyen-âge, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Moyen-âgeux, ouais. Ouais, ouais. Avec un énorme grand chapeau. Tout à fait blanc, avec. Ouais. Pareil ouais. pour les hommes, ouais. Assez tissé, tout est fait à la main. Waouh. Enfin, à l'époque, tout était fait à la main. Ouais. Je pense que c'est le genre de costume que tu peux pas faire de manière industrielle. Et les traditions ne se perdent pas, c'est ça qui est génial. Les traditions ne se perdent pas, donc sont transmises de génération en génération. Donc ils le mettent pas tous les jours, évidemment, faut pas s'attendre à les voir dans la rue. Mais s'il y a une fête... S'il y a une fête, une manifestation celte ou bretonne, voilà, les costumes traditionnels seront sortis. Ok. Voilà. Pour les femmes aussi? Pour les femmes aussi, les hommes et les femmes. Et toi, t'en as un? Non. Non, j'en ai pas. Ok. J'en ai pas. Ta mère? Ma mère, non plus, n'en a pas. Parce que nous sommes des adoptés de la Bretagne, nous ne sommes pas bretons à 200%. Ok. Voilà, donc c'est vrai qu'on a passé le côté traditionnel, costume, mais bien présent dans les festivités bretonnes locales. Chaque région a sa festivité locale. Ok, d'accord. Donc, ouais. Wow. C'est super sympa. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci de m'avoir invité. Un plaisir. Donc, si vous aimez la mer, si vous aimez le côté sauvage, si vous aimez la gastronomie, je vous conseille de vous rendre en Bretagne. C'est vraiment une région magnifique. Et comme je l'ai dit, sauvage avec des gens sympathiques. Si vous avez la moindre question concernant cette émission, concernant la Bretagne, n'hésitez pas à les poser sur le site. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut Anne. Au revoir.